إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours qui est le cours numéro 48 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et c'est le dernier cours aujourd'hui, Inch'Allah. C'est le dernier cours dans ce livre. Inch'Allah, on va compléter le livre aujourd'hui. On est arrivé à la lecture du verset de la preuve au sujet des tawarit et du mot tawarut. Et de sa signification, c'est la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit au sujet de la division des catégories de tawarit, on a expliqué qu'il y en a 5 qui sont à la tête des exemples de tawarit. Hein, on a mentionné que le premier c'est celui qui est adoré alors qu'il est satisfait, celui qui appelle les gens à l'adorer, celui qui prétend connaître quelque chose du raïb, et on a expliqué aussi que c'est celui qui juge par autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Puis on a expliqué que le premier c'était Iblis, hein, c'était la tête des tawarit. Maintenant on va expliquer la preuve de ça, c'est le verset 256 dans sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit il n'y a nulle contrainte en religion, la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, c'est-à-dire la droiture a été clairement distinguée de la déviation et de l'égarement. Donc quiconque rejette le tawarut et croit en Allah, il s'est certes accroché à la lance la plus solide qui ne se brise pas. Et Allah est certes audient et omniscient. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il explique ce verset-là. Il dit قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين معناه أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا بد أن يكون عن اقتناع واعتقاد بالقلب واعتقاد بالقلب ولا يكره عليه أحد ولا يمكن هذا، لا يمكن هذا لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى. لا يكره أحد على الإسلام لأننا لا نملك القلوب، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملكها ويتصرف فيها، ولكن نحن ندعو للإسلام ونرغب فيه. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit nulle contrainte en religion, la droiture c'est clairement distinguée de la déviation, et quiconque rejette le tarout, alors qu'il croit en Allah, il s'est certes accroché à l'anse la plus solide, qui ne se brise pas, et Allah est certes audient et omniscient. Quand on dit « nulle contrainte en religion », ça signifie qu'on ne doit pas contraindre quelqu'un à entrer dans l'islam. C'est-à-dire, si quelqu'un est kafir, on n'a pas le droit de le forcer pour qu'il devienne musulman. On n'a pas le droit de le forcer pour qu'il entre dans l'islam. Il faut que la personne entre dans l'islam par conviction. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait une croyance dans son cœur en cette religion-là. Donc, on ne peut pas contraindre quelqu'un et forcer quelqu'un à l'accepter. Et de toute façon, ce n'est pas possible. Même si on voulait forcer quelqu'un à accepter l'islam, on ne peut pas le faire puisque on n'a pas de contrôle sur son cœur. On peut forcer quelqu'un à faire des mouvements, à dire des paroles, on peut contraindre quelqu'un à faire des choses comme ça. Sauf que, est-ce que la personne va être sincère? Est-ce que la personne va réellement croire avec son cœur? Ça, on ne peut pas le savoir, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Et donc, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a la capacité de guider les cœurs. Et nous, on n'a pas le contrôle sur les cœurs. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui a ce contrôle-là. Donc nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'appeler les gens à l'islam et de faire en sorte que les gens aiment l'islam et s'intéressent à connaître l'islam pour qu'ils soient guidés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, « Nujahidu fi sabilillah man kafara li ajli nashri l'islam » وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يسلم ولأجل قمع أعداء الله وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى لا أحد يكره على الإيمان والإسلام وإنما هذا شيء راجع إليه هو. Donc le cheikh il dit, et ensuite donc on lutte également dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on fait le jihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ceux qui ont rejeté la vérité, contre ceux qui rejettent la foi. Et dans le but de propager l'islam, dans le but de propager l'islam pour donner la chance à celui qui veut entrer dans l'islam d'y entrer. Et pour repousser et écraser les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que le jihad, c'est pas pour forcer les gens à entrer dans l'islam. Le djihad, c'est pour éliminer les barrières et les obstacles et les difficultés qui font éloigner les gens de l'islam ou qui empêchent les gens de vouloir se convertir à l'islam. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui ont l'intention ou qui aimeraient se convertir. Et ils aimeraient devenir musulmans. Mais il y a toutes sortes de pressions autour d'eux, toutes sortes de difficultés autour d'eux à cause de la mécréance qui est autour d'eux dans la société, qui fait que ça les retient de se convertir à l'islam. Donc le djihad, qu'est-ce qu'il fait? Il vient éliminer ces barrières, éliminer ces pressions contre l'islam pour faire en sorte que toute personne qui a le désir d'être musulman, qui a le désir de se convertir, eh bien, il ne trouve aucune difficulté à le faire et la porte est facile. La porte est ouverte pour lui, il a juste à se convertir, il n'y a pas de difficulté. Hein? Donc c'est ça le djihad en réalité. Et le cheikh il dit, en ce qui concerne la guidance, ça, il faut savoir que c'est entre la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas contraindre personne à la foi et on ne peut pas contraindre personne à l'islam. Ça c'est une chose qui revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ensuite, ثم قال تعالى قد تبين الرشد من الغي فالإسلام ولله الحمد ليس فيه ما يكره بل كله محبوب مرغوب والكفر والشرك كله شر وكله مكروه قد تبين هذا من هذا تميز الرشد وهو الحق من الغي وهو الباطل والإنسان عنده عقل وعنده تفكير يوازن بين الحق والباطل سيهديه أو سيهديه تفكيره إن كان سليما وسالما من الهوى والدوافع وسيهديه تفكيره السليم إلى قبول الحق بدون أن يكره وهذا قول وهذا قول في الآية. Donc le Cheikh il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, la droiture s'est clairement distinguée de la déviation, ça veut dire que l'islam, par la grâce d'Allah, elle est claire, il n'y a pas de choses dans l'islam qui sont détestables, il n'y a pas de choses dans l'islam qui sont déplaisantes ou que les gens n'aiment pas. Tout ce qui est dans l'islam, c'est le bien et c'est le bon, et c'est quelque chose que les gens aiment. Et le contraire de l'islam, c'est-à-dire le kufr, le shirk, et tout ce qui est opposé à l'islam, tout ça c'est mauvais. Tout ça c'est quelque chose qui est détestable. Donc, ça, c'est-à-dire la foi et l'islam, c'est clairement distingué du kufr et du shirk et du mal. Donc, n'importe quel individu, être humain, qui a un minimum de raison, un minimum de réflexion, et qui est capable de penser, d'utiliser sa tête, il est capable de mesurer ou de balancer entre la vérité et le faux. Et s'il est une personne avec une raison qui est propre, et une fitra qui est propre, et en bon état, eh bien, quand il va réfléchir, ça va le guider vers la vérité. Et il va être, yani, guidé vers la vérité parce que sa réflexion et sa raison, elle est propre. Elle est loin de toute tentation, de tout désir ou de toute passion qui pourrait le faire dévier du droit chemin. Et lorsqu'il va comparer entre l'islam et le kufr, entre l'islam et le shirk, entre le tawhid et le shirk, entre les péchés et l'obéissance d'Allah, et qu'il met les deux un à côté de l'autre et qu'il compare lequel est meilleur que l'autre, eh bien, s'il a une raison qui est saine et propre, il va constater et accepter que c'est ça qui est la vérité et que c'est ça qu'il doit suivre. Hein? Donc, à notre époque, maintenant, c'est ce qui se passe si on réfléchit bien comme il faut. De plus en plus de gens, comme je disais hier, ils entrent dans l'islam. De plus en plus de gens, dans tous les pays non musulmans, tu vois qu'ils commencent de plus en plus à se convertir à l'islam. Les hommes et les femmes. Donc, ça veut dire quoi? Tu vois des chrétiens qui deviennent musulmans. Tu vois des juifs qui deviennent musulmans. Tu vois des hindous qui deviennent musulmans. Tu vois des bouddhistes qui deviennent musulmans. Tu vois des athées qui deviennent musulmans. De toutes les classes sociales, de tous les degrés, hein, de connaissances ou d'études, les gens entrent dans l'islam en masse. Hein, malgré tout ce qu'on montre sur l'islam ou tout ce qu'on dit sur l'islam. Parce que ce que les gens, parmi les ennemis de l'islam et les koufars font, c'est d'essayer de montrer une image pour faire peur aux gens à propos de cette religion. Sauf que la personne qui utilise sa raison, elle va au-delà de ses critiques et de ses accusations contre l'islam. Hein? Regardez par exemple, la situation, comment on nous présente les choses qui se passent dans le monde, dans les médias. À un moment donné, quelqu'un doit utiliser sa tête et dire, est-ce que moi je vais regarder le monde à travers les lunettes de celui qui a la caméra dans ses mains et qui fait les nouvelles à la télé ou qui fait l'émission et qui nous donne sa compréhension, son interprétation de ce qu'il voit dans le monde, ou bien je vais prendre moi les événements et les situations et les choses qui se passent et je vais les juger par mon propre regard et analyser les choses selon ce que moi j'ai comme base et principe. Hein? Donc, lorsque quelqu'un il arrive à se détacher de ça, tous les préjugés et les mensonges qui sont propagés par les ennemis de l'islam et par les koufars à travers les médias, et qu'il observe qu'est-ce qui se passe, et qu'il commence à réfléchir par lui-même, il réalise que les choses qu'on lui montre ne sont pas telles qu'on le prétend. Donc quand on lui dit par exemple, vous voyez par exemple maintenant dans les médias, les koufars ils vont dire par exemple, ah les musulmans ils critiquent l'homosexualité, ils disent ça. Alors tu dis, qu'est-ce que ces gens-là sont en train de prêcher? Ils sont en train de prêcher que le fait que deux hommes se marient c'est bon, et le fait que deux femmes se marient entre elles c'est bon. Maintenant tu te poses la question à toi-même. L'islam, il ordonne à un homme d'épouser une femme d'épouser un homme, de fonder une famille, de faire des enfants, de bâtir quelque chose. Eux, ils appellent à ce qui oppose ça. Ils appellent à la destruction de la famille, à la destruction de l'ordre et de l'honneur et de la société propre. Alors, lequel des deux est bien? Lequel est la guidance et lequel est la déviation? Donc tu juges entre les deux. Ils te disent, oh ces musulmans, ils sont contre l'adultère. Ils veulent interdire l'adultère et ils veulent même punir ceux qui font l'adultère. Alors toi tu regardes, et qu'est-ce qui aide le plus la famille? Qu'est-ce qui aide le plus les valeurs de la société? Qu'est-ce qui éloigne le plus les gens du mal? Est-ce que c'est de faire la fornication et l'adultère? Ou est-ce que c'est de fonder des familles et de respecter le mariage et de faire des enfants, hein, dans les liens du mariage qui sont les liens que Allah subhanahu wa ta'ala a établis pour que les relations humaines soient propres et saines? Donc tu juges entre ça et ça. Et tu vois lequel des deux appelle à la guidance et lequel des deux appelle à l'égarement. Et ça, c'est juste deux exemples. Après, tu regardes sur leur base, les fondements. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu dis, regarde ces gens-là à quoi ils appellent. Ils disent, nous on appelle à la laïcité. Tout le monde a le droit d'adorer ce qu'il veut. Tu veux adorer le soleil, t'adores le soleil. Tu veux adorer la lune, t'adores la lune. Tu veux adorer les vaches, t'adores les vaches. Tu veux adorer les étoiles, t'adores les étoiles. Tu veux adorer les statues, t'adores les statues. Tu veux adorer les saints, tu adores les saints. Hein? Tu as adoré Dieu, tu adores Dieu, mais chacun ne se mêle pas des affaires des autres en ce qui concerne la religion ou la croyance, et chacun est libre dans ces choses-là, et personne ne doit critiquer ou condamner l'autre par rapport à ce qu'il a comme croyance ou religion. Hein? Et pour le système et les bases, toutes les divinités sont équivalentes. Et regarde maintenant l'islam qui dit « La ilaha illallah ». Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ça veut dire tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah, c'est à rejeter, c'est faux. Il ne faut pas l'adorer, c'est quelque chose qui est batil, c'est quelque chose qui est faux. Donc on voit que l'islam, il vient frapper directement les fondements de ces principes qui sont en opposition avec la da'wah des messagers, et il appelle l'humanité à rejeter tout ce qui est faux et à n'accepter que ce qui est vrai, c'est-à-dire le Dieu unique, le Dieu seul. Donc, où est-ce qu'elle est la guidance? Est-ce que c'est dans le fait d'adorer des idoles? Est-ce que c'est dans le fait d'adorer des animaux? Est-ce que c'est dans le fait d'adorer des hommes? Est-ce que c'est dans le fait d'adorer des créatures? Hein? Et des choses de ce genre? Ou bien c'est dans le fait d'adorer le créateur de toutes choses, le maître de tout, le créateur, celui qui a tout fait? Hein, qui contrôle tout et qui sait tout, qui est omniscient. Hein? Donc, on voit clairement que la guidance et la vérité, c'est dans le fait d'adorer un Dieu unique et d'adorer Dieu seul et de s'écarter de l'idolâtrie et du shirk et du kufr et de toutes ces choses-là. De plus, donc ça c'est juste des exemples qu'on prend pour constater que l'islam, il appelle au bien. Même si ces gens-là, pour eux, le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien, alors, ils s'imaginent que quand ils nous critiquent en nous disant ce qu'ils disent à notre sujet, ils s'imaginent qu'ils sont en train de nous dénigrer ou de nous rabaisser ou de prétendre que qu'est-ce qu'ils disent contre nous, ce sont des reproches, alors qu'en réalité, ce sont des éloges et des choses de bien. Comme par exemple, on voit l'exemple du peuple de Lot. Le peuple de Lot, Lot, qui faisait l'homosexualité. À l'époque de Lot, quand Lot les a appelés à l'obéissance d'Allah et d'abandonner l'homosexualité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, chassez-le de votre ville. Ce sont des gens qui veulent rester purs. Comme si c'était un blâme d'être, de vouloir être pur. Comme si être pur, c'était une insulte ou quelque chose de mal. Donc, chassez ces gens-là. Chassez Lot, hein, et sa famille. Ce sont des gens qui veulent rester purs. Hein, comme si être pur, c'était quelque chose de mauvais. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose que ce qu'ils sont en train de dire à propos des musulmans. Ah, chassez ces musulmans-là. Hein? Débarrassez-vous de ces musulmans-là. Ce sont des gens qui veulent rester purs. Ce sont des gens qui veulent être sur le tawhid. Ce sont des gens qui veulent être sur l'unicité d'Allah. Qui veulent juste avoir des rapports sexuels à l'intérieur du mariage. Qui sont contre les relations et la sodomie et les relations en dehors du mariage. Ce sont des gens qui veulent pas boire d'alcool. Ce sont des gens qui veulent pas manger de porc. Ce sont des gens qui veulent pas se mélanger librement entre hommes et femmes pour pouvoir avoir des rapports entre les hommes et les femmes. Ce sont des gens qui, hein, donc comme si ça c'était des défauts, comme si c'était du mal. Ce sont des gens qui veulent pas écouter de la musique. Ce sont des gens qui veulent pas fêter. Ce sont des gens qui veulent pas faire ci et qui veulent pas faire ça, hein. Comme si ça c'était du mal qu'on voulait. Ce sont des gens qui veulent pas la cigarette. Ce sont des gens qui veulent pas les jeux de hasard. Ce sont des gens qui sont contre, hein, tout ce qui est, toutes ces choses-là que nous on aime. Ce sont des gens, hein, comme si ça c'était, comme si nous, qu'est-ce qu'on faisait ou qu'est-ce qu'on disait, c'était quelque chose de mauvais. Alors que c'est eux qui appellent au mal, hein. Donc ils veulent renverser les choses à l'envers pour faire peur aux gens à propos de la vérité et les éloigner de la vérité. Donc il ne faut pas se laisser, hein, effrayer ou tromper ou égarer par ces gens-là. Au contraire, il faut être ferme sur la vérité. Parce que ce que ces gens-là rejettent, ce n'est pas uniquement le message qui a été amené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement. C'est le message qui a été envoyé par tous les messagers d'Allah. Et ils ont rejeté leur propre messager et leur propre livre alors avant l'islam. Même avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne avec le Coran, ils avaient déjà commencé même à déformer leur propre religion, leur propre message. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, ils détestent l'islam parce qu'ils détestaient déjà leur prophète à l'époque. Ils détestaient la religion de Isa. Ils détestaient la religion de Moussa comme elle était à l'origine. Donc, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam, avec la charia d'Allah telle qu'elle est pure dans sa, hein, dans son entité, dans son intégrité telle qu'elle est, eh bien, ceux aujourd'hui qui prônent cet islam, qui est en accord avec le Coran et la Sunna et qui appelle à la compréhension des salafs, eh bien, ils les détestent de la même manière qu'ils détestaient les prophètes et les messagers auparavant. D'accord? Donc il ne faut pas s'étonner qu'on soit détesté ou qu'on soit pointé du doigt ou qu'on parle en mal de nous parce qu'on est sur cet islam, parce qu'on est sur la vérité. Donc ces gens-là, c'est l'islam qu'ils détestent. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset dans le Coran dans lequel il dit à son prophète, wa inna la na'lamu innaka la inna la na'lamu annahu wa inna na'lamu anna subhanallah yahzunuka alladhi yaqulun wa inna fa innahum la yukathibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun. En voulant dire, parce que j'ai oublié le début du verset, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, on sait que ce qu'ils disent t'attriste. Ce qu'ils sont en train de dire, ça t'attriste, le fait qu'ils rejettent la vérité, qu'ils rejettent la révélation, qu'ils rejettent les prophètes. C'est quelque chose qui t'attriste. Mais sache que c'est pas toi qu'ils traitent de menteur. Parce qu'ils savent que tu es honnête et que tu es une personne honnête. Même avant l'islam, ils appelaient le prophète Al-Amin, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas toi qu'ils traitent de menteur. وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Donc les injustes, ce sont les signes d'Allah qu'ils renient. Et non pas qu'ils pensent ou ils disent que toi tu es un prophète. Ils savent que ce que tu dis, que tu es une personne véridique. Mais ils ne veulent pas croire en Allah. C'est ça la différence. D'accord? Donc ça c'est un point important. وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُجْبَرُونَ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ بل إذا أرادوا البقاء على دينهم مكنوا من ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين وهم صاغرون وأما غيرهم من الكفرة فلا يقبل منهم غير الإسلام أو القتل لأنهم ليسوا أو لأنهم ليس لهم دين والوثنية دين باطل. Donc le cheikh il dit que la deuxième explication par rapport à ce verset, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religion. Il y a une, on a mentionné la première explication, la première interprétation que les savants ont ramenée. C'est que la vérité, elle est claire, et l'égarement, elle est claire. On n'a pas forcé personne à accepter l'islam. Celui qui réfléchit correctement, il va savoir que c'est la vérité, il va l'accepter de son propre gré, sans être contraint. Ça, c'est une interprétation de ce verset. Il y a une autre compréhension de ce verset que les ulama ont mentionné, c'est que ce verset-là, il a été révélé de façon spécifique ou particulière pour les gens du livre. C'est-à-dire que ça s'applique seulement aux juifs et aux chrétiens, ce verset, qu'ils ne sont pas contraints à se convertir à l'islam. Il dit... Ce verset était révélé au sujet des gens du livre selon ce que certains savants ont dit, parce que on ne doit pas les contraindre à entrer dans l'islam. S'ils veulent rester dans leur religion qui est fausse, on les laisse sur leur fausse religion. Sauf que on les laisse à une condition. On les laisse sur leur fausse religion à une condition. C'est quoi cette condition ? C'est qu'ils vont payer la jizya aux musulmans, qui est une somme d'argent qu'ils doivent donner aux musulmans, et qu'ils doivent rester petits, ils doivent se faire petits, hein, devant les musulmans. Et ça, c'est pour les musulmans qui sont dans les... c'est pour les gens du livre, les chrétiens et les juifs, qui vivent dans les pays musulmans et qui refusent de devenir musulmans, de se convertir à l'islam. Ils veulent rester sur l'égarement et la fausseté. Alors, on leur permet de rester sur leur fausse religion à condition qu'ils donnent la jizya et qu'ils se fassent petits devant les musulmans. Donc ça, c'est pour les juifs et les chrétiens, tandis que pour les autres koufars, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas chrétiens, comme par exemple les hindous ou les bouddhistes ou les autres qui adorent des idoles ou des choses comme ça, ceux-là, on n'accepte pas de la jizya. C'est soit qu'on leur demande d'accepter l'islam et qu'on leur explique l'islam et qu'ils l'acceptent, ou sinon ils doivent être combattus. Et pourquoi ça? C'est parce que leur religion, c'est une religion d'idolâtrie. Ce n'est pas la religion de la vérité. Donc ça, c'est la deuxième explication que les savants ont mentionnée. Si vous retournez dans les livres de tafsir, comme Ibn Kathir, Tabari ou autres, hein, Al-Qurtubi et d'autres livres de tafsir écrits par les savants de l'islam, qui expliquent le Coran avec les versets du Coran ou avec les hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les explications basées sur la connaissance de la langue arabe classique comme pour expliquer la signification des mots et qui suivent cette méthodologie là, vous allez voir les détails de ces paroles là avec toutes les preuves et les différentes paroles des différents savants de l'islam sur ce sujet là. Le cheikh, qu'est-ce qu'il est en train de nous donner maintenant? C'est juste un résumé de cette question. Mais si tu retournes dans le tafsir, par exemple, al-Tabari ou al-Qurtubi, tu vas voir peut-être 15 pages sur ce sujet-là seulement, pour expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire, et les différentes positions et les preuves de chaque opinion, et ainsi de suite. Là, c'est juste pour expliquer de façon générale, comme ça, un musulman, il a une compréhension de base sur ça. Comme ça, s'il entend ce verset, il sait à peu près qu'est-ce que ça veut dire et il sait les différentes compréhensions qui existent à propos de ce verset-là. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième position. On dit que c'est pour les gens du livre. Et donc, la première position, c'est que ça s'applique à tout le monde. Tous les koufars sans exception. La deuxième position, que ça s'applique uniquement aux gens du livre. La troisième position ou la troisième parole des ulama à ce sujet-là, le cheikh il dit القول الثالث أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد وهذه في أول الأمر قبل أن يشرع الجهاد ثم شرع الجهاد فنسخت هذه الآية. Donc la troisième opinion des ulama à ce sujet-là, c'est que ce verset, la ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en religion, c'est un verset qui concernait qu'est-ce qui était au début de l'islam, avant que Allah légifère le djihad. Alors que après que le djihad fut légiféré, ce verset a été abrogé, et donc maintenant, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas de contrainte. Maintenant, tous ceux qui refusent l'islam, on doit les combattre jusqu'à ce qu'on puisse établir l'islam partout. Et ça, c'est bien entendu, yani, avec la capacité, hein, lorsque les musulmans en ont la capacité. Le cheikh il dit toutefois pour conclure, « ولكن القول الأول هو الصحيح وأن الآية غير منسوخة وأن الدين لا يدخل في قلوب لا يدخل في القلوب بالإكراه وإنما يدخل بالاختيار ولكن من لم يقبل الدين يعامل معاملة اللائقة يعامل المعاملة اللائقة به من قتل أو أخذ الجزية أو أخذ الجزية أو أخذ جزية مما شرع الله في حقه. Donc le cheikh dit que la position qui est correcte parmi ces trois opinions, c'est la première, celle qu'on a mentionnée au tout début, et que ce verset, il n'est pas abrogé. Ce verset, qu'il n'y a pas de contrainte en religion, il n'est pas abrogé. Et que la religion, on ne peut pas forcer quelqu'un à ce qu'elle rentre dans son cœur. On ne peut pas rentrer la religion de l'islam dans le cœur par la force. C'est uniquement volontairement que quelqu'un entre dans l'islam par son choix. Mais par contre, celui qui n'accepte pas l'islam, on doit le traiter selon l'attitude qui lui convient et le comportement qui lui convient par rapport à sa situation. Soit qu'il va être combattu, ou soit qu'on va prendre la jizya de lui lorsque c'est le cas, ou bien et ainsi de suite. Parce que ça a été légiféré dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ce qu'il a enseigné aux sahaba. Hein? Il y a un hadith authentique dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait ses compagnons, il les envoyait en premier pour appeler les gens à l'islam. Avec l'armée. Et lorsque les gens arrivaient à ces différentes villes ou ces différents peuples, il les appelait à l'islam. Si ils acceptent l'islam, on n'a plus le droit de les combattre. Ils deviennent nos frères. Et ils doivent maintenant appliquer les principes de la religion. Et on aide ces gens-là à être des bons musulmans. Si ils refusent de devenir musulmans, alors dans ce cas-là, on va les appeler à payer la jizya. Hein? À payer la jizya. C'est-à-dire à donner cette somme d'argent qu'ils doivent donner, comme punition pour eux du fait qu'ils refusent d'accepter l'islam. Puis ils doivent se faire petits, hein, devant les musulmans. Puis par la suite, s'ils refusent de payer la jizya, dans ce cas-là, ils seront combattus. Dans ce cas-là, ils seront combattus. Et ça, c'est les étapes à suivre. Et donc, la divergence qui existait entre les savants, c'est justement à savoir, est-ce qu'on doit prendre la jizya seulement des juifs et des chrétiens, puis les autres non, ou bien qu'on peut prendre la jizya de tous les idolâtres et de tous les koufars, les gens du livre et les autres aussi. Hein? Et donc c'est ça, c'est pour ça qu'il y avait une divergence. Il y en a qui disent non, c'est seulement pour les gens du livre, et d'autres savants disent non, c'est pour tous les koufars aussi, même s'ils ne sont pas parmi les gens du livre, on peut aussi exiger d'eux la jizya. Donc ça c'est une question qui est sur laquelle il y a divergence, comme on a expliqué. J'ai oublié, je ne me souviens plus la somme exacte de ça, mais si tu retournes dans les tafsirs ou bien dans les livres de fiqh, yani, ils mentionnent les ulama, ils expliquent en détail les choses, les sommes, qu'est-ce que, à quoi ça équivaut et ainsi de suite. Mais c'est pas une grosse somme quand même. Donc ça c'est important aussi à comprendre. Ensuite le cheikh il dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ il explique la suite du verset فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ الطَّاغُوتِ الْمُرَادِ جَمِيعُ الطَّوَاغِيتِ فِي الْعِبَادَةِ أو الاتباع أو في الطاعة لأن كلمة الطاغوت هنا عامة وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد الكفر بالطاغوت فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فإنه لا ينفعه إيمانه. Donc le cheikh il dit quiconque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset quiconque rejette le tagout ou renie le tagout alors qu'il croit en Allah. Et on a expliqué hier le tagout qu'est-ce que c'était en détail dans le cours précédent aussi. Le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire par le tagout dans ce verset, c'est toutes les différentes catégories de tagout dans l'adoration, que ce soit dans l'adoration ou dans le fait de suivre quelqu'un ou dans le fait d'obéir à quelqu'un, dans ce qui transgresse la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on veut dire par le tagout. Donc il faut renier le tagout, d'accord. Donc le terme tagout ici il est général. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a fait précéder le fait de renier le tagout avec, il l'a fait précéder la foi en Allah. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit quiconque renie le tagout et croit en Allah. Donc le fait de renier le tagout, ça passe avant la foi en Allah. D'accord? Donc le cheikh il dit fallazi يقول أنا مؤمن ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الطاعات ولكنه لا يتبرأ من الشرك ولا المشركين ويقول لا أدخل لا دخل لي فيهم هذا لا يعتبر مسلما لأنه لم يكفر بالطاغوت فلا بد من الكفر بالطاغوت وهو رفض الطاغوت واعتقاد بطلانه والابتعاد عنه وعن أهله لا بد من هذا فلا يصح إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت. Ça c'est un point très très très important que le cheikh il mentionne maintenant. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné donc qu'on doit renier le tagout. Il a mis ça en avant, le fait de croire en Allah. Le cheikh il dit, parce que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas bénéfique, excepté après avoir renié le tagout. Celui qui croit en Allah et qui n'a pas renié le tagout, c'est-à-dire qui croit, il dit je crois en Allah, mais il n'a pas renié ce qui est adoré en dehors de lui, ou ce qui est parmi les différentes formes de tagout, c'est-à-dire il croit en Allah, puis il croit au tagout en même temps, ou il ne renie pas le tagout, alors sa foi ne sera pas bénéfique pour lui. Il ne va pas profiter de cette foi. Ça ne lui sert à rien. Et c'est pour ça souvent, hein, les gens ils disent, ah mais un tel il a la foi, un tel il a la foi. Parmi les chrétiens, ou les juifs, ou les gens qui ont toutes sortes d'autres religions, ils disent, ah oui, il est croyant, il a la foi. Quelqu'un il dit, je crois en l'existence d'un Dieu. Ah, ça veut dire qu'il a la foi. Non. Avoir la foi, ça ne veut pas seulement dire tu reconnais l'existence d'un Dieu, ou tu reconnais l'existence d'une force, ou tu reconnais l'existence d'un créateur. Ça, ce n'est pas suffisant pour dire que quelqu'un a la foi, et ce n'est pas suffisant pour dire que quelqu'un, il est musulman ou croyant. Parce que non seulement il faut croire en l'existence de Dieu, croire en l'existence d'un créateur, savoir qu'il est unique, mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ce qui est adoré en dehors de ce Créateur-là. Si tu dis je crois en ce Créateur, mais j'adore d'autres avec lui en même temps, comme des saints ou des idoles ou des images ou des statues ou des croix ou des tombes ou des et ainsi de suite, ou des lois ou des esprits ou des djinns, alors dans ce cas-là tu n'as pas de foi, même si tu dis je crois en Dieu. C'est pas suffisant de dire je crois en Dieu. Il faut renier ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon c'est pas une vraie foi. C'est une foi mais elle est fausse. C'est une foi fausse. Donc il faut distinguer entre la vraie foi et la foi qui est fausse. Donc le cheikh il dit ici, celui qui dit je crois en Allah, je fais la prière 5 fois par jour, je fais le jeûne du Ramadan, je fais la zakat, je fais le hajj, le pèlerinage à la Mecque, et je fais tous les actes d'obéissance, de bien. Toutefois, il ne s'est pas désavoué et il n'a pas renié le shirk et les mushrikin et les gens qui adorent autre que Allah et le fait d'adorer autre que Allah et ceux qui adoraient en dehors d'Allah. Alors, il dit, ah moi ça ne me regarde pas. Il dit, ce que ces gens-là font, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mes affaires. Ils adorent les idoles, ils adorent les saints, ils adorent Jésus, ils adorent Marie, ils adorent les prophètes, ils adorent les tombes. Ils disent, ça ne me regarde pas, ce n'est pas de mes affaires. Ils font ce qu'ils veulent. Cette personne-là, elle n'a pas la foi. Parce que Allah, il dit, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَارُوتِ. Ça veut dire que tu dois renier le tarot. C'est pas suffisant que tu ne fasses pas toi-même l'idolâtrie. Tu dis, moi je fais pas l'idolâtrie. Je prie pas un mort, je prie pas une tombe, je prie pas une idole, je prie pas une statue. Sauf que tu ne le nies pas pour les autres. C'est-à-dire tu ne condamnes pas ce que les autres font comme idolâtrie. Et tu le détestes pas non plus. Et tu n'es pas contre ce qu'ils font comme idolâtrie ou shirk ou kufr. Eh bien, dans ce cas-là, tu es comme eux, même si tu ne l'as pas fait toi-même. Parce que le fait que tu approuves ce qu'ils font, que tu ne le condamnes pas, c'est une sorte d'approbation. C'est une sorte d'approbation qui te rend complice avec eux. Et qui fait que tu es égal à eux, équivalent à eux, dans leur mécréance et dans leur idolâtrie, dans leur shirk. C'est ça l'importance de comprendre. C'est pour ça que c'est important de comprendre le tawhid. Des fois, tu peux être coupable, même si tu n'as pas fait un acte. Tu peux être coupable de cet acte, même si tu ne l'as pas fait toi-même. Dans le sens que tu vois des gens en train de faire cet acte, ou de dire cette parole, et dans ton cœur, tu es satisfait de cette parole, satisfait de cet acte, ou que tu ne le condamnes pas, et d'une certaine façon, tu es complice. Parce que tu l'as approuvé et parce que tu es d'accord avec. Tu ne l'as pas rejeté. Donc, ici dans le verset, Allah dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَارُوتِ. Donc, il faut renier et rejeter le tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et croire en Allah par la suite. Il y en a des égarés ou des ignorants maintenant parmi les jeunes, takfiri ou djihadi. Ils pensent que le tarout, c'est seulement applicable. Où ça s'applique qu'à des dirigeants aujourd'hui. Eux, quand ils disent le mot tarout pour eux, ça ne veut pas dire les idoles ou des choses comme ça, ça veut juste vouloir dire les dirigeants. Donc quand ils parlent d'un tarout, alaykoum salam, quand ils parlent le tarout, ou ça c'est un tarout, ou ça c'est un tarout, pour eux c'est un dirigeant. Et quand ils te disent il faut faire le kufr bit tarout, avant de croire en Allah, ils pensent que ça veut dire que tu dois déclarer tel ou tel dirigeant mécréant avant de dire que tu crois en Allah. Donc, quand ils rencontrent des musulmans, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Allah musta'an. Ils viennent te voir et te disent, qu'est-ce que tu penses de tel dirigeant? Est-ce qu'il est musulman ou il n'est pas musulman? Parmi les dirigeants des pays musulmans. Ils viennent te voir et disent, un tel, est-ce qu'il est musulman ou il n'est pas musulman? Si tu lui dis, il est musulman, ça y est, il dit, toi tu es un kafir. Ils disent, toi, t'es un kafir, t'es un mushrik. Pourquoi? Tu lui dis, mais pourquoi je suis un kafir? Pourquoi je suis un mushrik? Ils disent, parce que tu n'as pas fait le kufr bit tarout. Tu n'as pas renié le tarout. Et pour eux, le tarout, c'est qui? C'est le dirigeant, un tel ou un tel. Et tu lui demandes, mais pourquoi il est kafir? Pourquoi tu dis qu'il est tarout? Et il ne connaît même pas les règles du takfir, il ne connaît pas les règles de la sharia, il ne connaît rien. Là, peut-être même il ne connaît pas l'arabe, peut-être même il ne connaît même pas la récitation du Coran, peut-être même

et des shubuhat, des ambiguïtés qui vont nous mélanger dans ce qu'on connaît, dans nos bases. Et une fois que tu es mélangé dans tes bases, c'est très très difficile par la suite de rester ferme. Parce que tu vas toujours avoir cette hésitation-là dans ton cœur et ce doute-là dans ton cœur qui va faire que à chaque fois tu es hésitant, tu tournes en rond. Hein? Donc fais attention à ce genre de personnes et à ce genre de choses. Le cheikh il dit ensuite donc, donc celui qui voit le kufr ou qui voit des gens qui font le kufr ou du shirk ou des choses de ce genre, il faut qu'il le renie. Et il faut qu'il croit que, il faut qu'il rejette le tarout. Le musulman doit rejeter le tarout et croire que le tarout est faux. Et s'en écarter. Et s'écarter des gens qui le font. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et celui qui ne fait pas ça et qui renie pas le tarout, sa foi, elle n'est pas valable, elle n'est pas correcte. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans l'autre verset, « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّارُوتِ » C'est-à-dire, dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, verset 36, surat al-Nahl, « Nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire, « Adorez Allah et écartez-vous du tarout. » C'est-à-dire, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas valable, il dit, « فَلَا تَسْتِحُوا عِبَادَةُ اللَّهِ إِلَّا بِجْتِنَابِ الطَّارُوتِ وَلَا يَجْتَمِعُوا ضِدَّانِ لا يجتمع الإيمان والكفر في القلب الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان في قلب أما الكفر الأصغر قد يجتمع. Le cheikh il dit, donc ça c'est la preuve que on peut pas réunir deux choses, on peut pas réunir la foi en Allah et la foi au tarot ensemble. Tu peux pas croire en Allah et croire en ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu vas croire en un ou en l'autre. Un doit venir nier l'autre. Et si un est présent sans la négation de l'autre, alors hein, cette foi-là, elle n'est pas correcte. Et cette adoration-là, elle ne sera pas valable. Parce que deux choses contradictoires ne peuvent pas se réunir et ne peuvent pas être vraies en même temps. Et ça, c'est quelque chose d'important à notre époque, que les gens les plus, parfois les plus intelligents dans ce qu'on connaît de la dunya, quand on leur met devant ces situations, ces questions-là, ils ne sont même pas capables de comprendre cette règle de logique élémentaire. Hein? Tu lui dis, est-ce que l'islam c'est la vérité, ou des choses de ce genre, tu lui parles du tawhid et des choses comme ça, il dit, mais toutes les religions sont bonnes, il y a du bien dans toutes les religions, il y a du vrai dans toutes les religions. Hein, il veut plaire à tout le monde, puis comme on dit aussi, il veut relativiser tout. Hein, tout est égal, tout est pareil, tout est relatif. Il n'y a pas de vérité absolue pour lui. Et donc tu lui dis, est-ce que deux choses peuvent être vraies en même temps, tout en étant une opposé à l'autre et contraire de l'autre, c'est pas possible. Hein? Deux choses peuvent pas être vraies et être contradictoires en même temps. C'est pas possible. Soit que une est vraie, l'autre est fausse. Mais les deux peuvent pas être vraies en même temps. Sinon, ça veut dire que tu acceptes la contradiction. Et la contradiction, c'est pas logique. L'origine de, comme le frère il dit, il mentionne que la plupart des gens ici à Montréal, quand ils parlent des dirigeants, ils mentionnent toujours les questions des dirigeants, puis du takfir et des choses de ce genre. Le frère il dit, d'où est-ce qu'ils prennent leur base? D'où est-ce qu'ils prennent ces choses, ces connaissances-là? Puisque on entend ça de tout le monde. Et ça c'est un point intéressant aussi. Que lorsque tu vis dans une ville ou dans une société, et que les gens de la sunna sont une minorité, eh bien, c'est sûr que la parole des gens de Ahl al-Sunnah va toujours sembler étrange. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de l'entendre et ils entendent tout le monde dire le contraire de ce que tu dis. Donc tu t'imagines que, puisque tout le monde dit cette parole, ça doit être vrai. Hein? Tu vas à telle place, tu entends ça. Tu vas à une autre mosquée, les gens disent ça. À une autre mosquée, les gens disent La même chose. Partout autour de toi, les gens disent ça. À la fin, tu commences à croire que c'est vrai. Sauf que nous, notre référence et notre base, c'est quoi? C'est le Coran, la Sunna, la compréhension des salaf al-salih et de retourner aux ulama qui suivent cette voie-là, qui sont les héritiers des prophètes. Donc maintenant, eux, c'est quoi leur référence? C'est ça la question. Et leur référence à eux, c'est la voie des Khawarij et la religion des Khawarij. Et ils ont existé depuis l'époque des Sahaba. Et même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier qui est sorti, c'était Zul Khuwaysira, qui a dit au messager d'Allah, « Crains Allah, ô Muhammad, crains Allah, tu n'as pas été juste. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Si moi je ne suis pas juste, qui va être juste ?» Hein? Il a dit, Allah, il m'a fait confiance pour la transmission de son message à sa création. Est-ce que toi, tu vas pas me faire confiance? Hein? Et donc, il a averti la Ummah. Il a dit, de cet homme, vous allez voir sortir des gens, hein? Cet homme va être à l'origine de gens qui vont apparaître plus tard. Vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne. Vous allez mépriser leur récitation du Coran votre récitation du Coran par rapport à leur récitation du Coran. Hein? Ils récitent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. Parce qu'ils récitent le Coran sans aucune connaissance ni compréhension. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils sortent de l'islam comme la flèche, une fois qu'elle a traversé la proie. Tellement rapidement, quand elle rentre, elle sort comme elle est rentrée. Et il a dit, si je les avais rencontrés, ces gens-là, que j'étais vivant à l'époque où ils sortent, je les aurais exterminés comme on a exterminé le peuple de Had. Et dans un autre hadith, il a dit, « Touba liman qatalahum ou qataluhu » Il a dit, annoncer la bonne nouvelle du paradis à celui qui les combat, qui les tue ou qui se fait tuer par un d'entre eux. Et dans un autre hadith, il a dit Khayru qatla tahta adim as-sama'. C'est-à-dire, il n'y a personne sous le ciel que c'est mieux de le tuer excepté en dehors d'eux, ou plus que eux, en parlant d'eux. C'est-à-dire, lorsque ces gens-là ont pris les armes et commencé à tuer les musulmans et attaquer les musulmans au nom de l'islam et au nom du djihad, comme qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans les pays musulmans, avec leurs attentats et leurs trucs, et qu'ils ont une armée et qu'ils combattent les musulmans et que les musulmans sont capables et qu'ils ont la force, ils ont l'obligation de combattre ces khawarij. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois qu'une de leurs cornes pousse, elle est coupée. Chaque fois qu'une de leurs cornes pousse, elle est coupée. Jusqu'à ce que les derniers d'entre eux se joignent au Dajjal. C'est-à-dire que les derniers d'entre eux vont combattre avec le Messie Dajjal, hein, l'Antéchrist. Ils vont être avec lui. Contre les musulmans. Donc, aujourd'hui, on les voit. Hein? Et donc, ils pensent qu'ils sont en train de suivre la bonne voie. Donc, c'est quoi leur origine aujourd'hui, à notre époque? Cheikh Ahmed al-Najmi, dans son livre qu'il a écrit sur ça, il a dit, la source du takfir à notre époque, c'est les livres de Sayyid Qutb et le mouvement des frères musulmans et des Ikhwan al-Muslimin. Ce sont eux qui ont propagé cette compréhension-là dans le monde musulman, chez les jeunes et chez les vieux, qui ont propagé cette méthodologie. Et la majorité des gens qui sont revenus à la pratique de l'islam sont revenus à la pratique de l'islam en écoutant des prêcheurs de la secte des frères musulmans. Et à cause de ça, ils ont cette mentalité-là de politique, de parler contre les dirigeants, de démocratie, de révolte, de toujours parler contre ceux qui sont au pouvoir. Et ils y mettent là-dedans les démocrates, les laïcs et les autres gens qui suivent ces méthodologies-là. Et ils ne connaissent pas le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. Et c'est pour ça qu'ils, hein, sont tous d'accord sur ça. Beaucoup d'entre eux, à l'origine, les frères musulmans, ils ont été créés. Le mouvement est parti de l'Égypte. En fait, les frères musulmans ne sont pas nécessairement de l'Azhar, mais il y en a qui viennent de là. Mais pour te dire la vérité, beaucoup des choukhs de l'Azhar à l'origine, ils critiquaient les frères musulmans et leur compréhension. Donc, ils ne sont pas nécessairement reliés entre eux. Ce n'est pas nécessaire que quelqu'un qui est dans l'Azhar, il va être membre des frères musulmans ou en accord avec les frères musulmans. Mais il y en a parmi eux qui sont sortis de l'Azhar. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils font les Ikhwan, c'est ça, c'est de courir après les diplômes pour se donner une crédibilité. Puis par la suite, ils propagent leur message et leur discours en disant, regardez, je suis gradué, je suis diplômé de l'Azhar, donc ça veut dire que j'ai une connaissance dans la religion, mais en réalité, il fait juste propager ses égarements en utilisant son diplôme. Il y en a qui viennent maintenant de l'université islamique de Médine, qui est une université qui était établie sur la Sunna et sur la Salafia, sauf qu'ils sont allés là-bas juste pour le diplôme. Une fois qu'ils ont eu le diplôme, ils sont retournés dans leur pays, qu'est-ce qu'ils prêchent? Ils prêchent la voix des frères musulmans et la compréhension de cette secte. Bon, il y en a plusieurs, mais c'est pas nécessaire que quelqu'un soit de l'Azhar. Il y en a aussi qui sont salafis, qui sont sortis de l'Azhar. Tu as mentionné que des fois tu fais juste rencontrer un de ces musulmans-là, puis tu discutes de quelque chose, n'importe quel sujet, puis ça découle, ça détourne par la suite, ça tombe sur ce sujet-là. Aujourd'hui, à notre époque, tu réalises que beaucoup de gens, des fois tu pries avec des gens à la mosquée, tous les jours, même ici parfois, ou bien dans d'autres mosquées, tu pries avec eux tous les jours, hein, et après 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu réalises que tu ne les as jamais vraiment connus. Parce que tant que tu n'as pas parlé avec eux de sujets politiques ou des choses de ce genre, tu ne vas pas savoir s'ils ont une méthodologie qui est correcte et s'ils sont en accord avec la compréhension des salafs ou non. Mais du moment que tu vas commencer à tomber sur ce sujet-là puis qu'ils commencent à parler avec toi, là tu commences à découvrir que c'est des gens qui n'ont rien compris à l'islam, qui n'ont rien compris de la sunna. Hein? Ils pensent la même pensée que les gens qui appellent aux révoltes et aux révolutions et aux takfir et des choses de ce genre. C'est pour ça qu'à notre époque, le fait que tu vois que quelqu'un vienne à la mosquée tous les jours, qu'il prie avec toi, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire qu'il est sur la sunna. Hein? Parce que ce n'est pas ça seulement qui détermine que quelqu'un est un vrai musulman correct et qu'il a une bonne compréhension de l'islam. Il faut regarder la personne, qu'est-ce qu'elle a comme opinion dans chaque aspect de la vie, que c'est en accord avec le Coran et la sunna. Pas seulement dans la prière, pas seulement dans le jeûne, pas seulement dans les règles d'adoration, mais aussi dans sa façon de voir la politique, de voir l'économie, de voir le monde, comprendre comment ça fonctionne, la société, et ainsi de suite. Si dans la prière et dans le jeûne, il suit le Coran et la Sunna et les paroles des savants, dans la purification, il est d'accord avec les savants, mais quand tu parles de politique avec lui, il te sort les théories de Jean-Jacques Rousseau ou de je ne sais pas quel autre. Et quand tu parles avec lui d'économie, il te sort Karl Marx et Engels et d'autres, des choses de ce genre, tu vas dire, mais non, ça ne marche pas. Hein? Et puis quand tu lui parles de Aqida et de Tawhid, il te sort ses Qutub, il te sort Hassan al-Banna, il te sort d'autres méthodologies de ce genre. C'est des gens comme ça, comme Hassan al-Banna et ces gens qui ont fondé ces sectes, qui ont voulu réunir les idéologies des kuffars, Et interpréter l'islam à la lumière de la civilisation occidentale pour essayer de réunir les deux. Et ils sont devenus comme qu'est-ce qu'on voit maintenant. Hein? Donc, on a, je pense, assez parlé de ça. Maintenant, on va juste, Inch'Allah, essayer de compléter la fin du livre, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit, donc, on ne peut pas réunir deux choses contradictoires. Dans le cœur, on ne peut pas réunir la foi et le kufr ensemble. La foi et le kufr akbar. Ou la foi et le shirk akbar. Tu ne peux pas les mettre ensemble. Toutefois, le kufr mineur, ça se peut qu'il soit présent en même temps que la foi. Parce que le kufr mineur ou le shirk mineur, il ne détruit pas la base de la foi. Donc c'est possible que quelqu'un soit un croyant et qu'il ait des aspects de kufr qui sont mineurs en lui. Hein? Donc il ne faut pas mélanger. Ensuite, le cheikh il explique la dernière partie. وَهَذَا هُوَ مَعْنَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Donc ça c'est la dernière phrase de la Risala dans Al-Usul al-Thalatha, ça dit, et ça c'est la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire de croire, de rejeter le tarout, de renier le tarout et de croire en Allah, ça c'est la signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire, c'est ça la signification de la parole quand on dit « Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. » Hein? Parce que la ilaha illallah, c'est pas comme certains le traduisent. Parfois, ils disent, ça veut dire « Il n'est de Dieu que Dieu. » Ou « Il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. » Ça, ça veut rien dire. Et c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est comme, ils l'ont écrit ici, c'est comme, ça veut dire quoi? Comme les savants l'ont expliqué, ça veut dire « La ma'abouda bihaqqin illallah ». Ça veut dire « Rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. » Parce que « ilah », ça veut dire « Qu'est-ce qui est adoré ?»« Al-ilah » ou « Al-ma'abud ». Il n'y en a pas qui est adoré en vérité et qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Il y en a qui sont adorés en dehors d'Allah. Mais ceux qui sont adorés en dehors d'Allah ne méritent pas de l'être, parce qu'ils ne sont pas, hein, ils n'ont pas les attributs et les caractéristiques divines d'Allah. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah seul, hein. Donc c'est ça la signification de la ilaha illallah. Et il termine en mentionnant le hadith qui dit la tête de la religion c'est l'islam, et son pilier c'est la salat, et le haut de sa bosse c'est le jihad fi sabilillah. Le cheikh explique maintenant. Il dit قال الشيخ هذا معنى لا اله الا الله يعني الكفر بالطاغوت والايمان بالله. الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك واهله. هذا هو راس امر الدين. الشهادة هما راس الاسلام وهما اصل الاسلام. فلا يدخل الإنسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين نطقا وعلما وعملا واعتقادا لا يكون إنسان مسلما إلا بذلك. شبه الدين بالجسم الذي له رأس وعمود والسنام أو السنام, فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياة, وكذلك بدون التوحيد لا بقاء للدين, لأنه هو رأس الذي إذا قطع أو زال زالت الحياة وفسد البدن. Le Cheikh il explique. Quand il dit, le Cheikh il dit que ça c'est la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire de renier le tarout et de croire en Allah. C'est ça la signification de la ilaha illallah, et ça c'est l'islam. Donc l'islam c'est de se soumettre à Allah en établissant le tawhid, et de se soumettre physiquement aux ordres d'Allah par l'obéissance, et de se désavouer du shirk et des gens qui font le shirk, qui adorent d'autres que Allah. Et ça, c'est la tête de la religion. C'est la tête de la religion. Ces deux témoignages-là, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, quand on le dit avec la langue, quand on l'applique, ou quand on le dit avec la langue et qu'on le connaît, on connaît sa signification et ses implications, et qu'est-ce qui s'y oppose, et on l'applique dans nos actions, et on y croit avec notre cœur, eh bien, c'est ça qui fait qu'on est musulman. On ne peut pas être musulman sans ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a fait ressembler la religion à un corps. Comme le corps d'un chameau par exemple. Il a comparé la religion comme le corps, comme un chameau. Et il a mentionné que ce corps, il a une tête, un pilier et une bosse. Il dit, si tu coupes la tête de n'importe quelle chose, eh bien cette chose-là, elle ne peut pas rester vivante. Donc, la même chose pour la religion, s'il n'y a plus de tawhid, il n'y a plus de religion. Ça veut dire, même si le reste est appliqué, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire le hajj, tu ordonnes le bien, tu interdis le mal, et ainsi de suite, sauf que tu n'es pas sur le tawhid, eh bien, tu n'as plus de religion. Comme quelqu'un qu'on lui a coupé sa tête. Il a un corps, mais il n'a plus de tête, il ne peut pas vivre, même s'il a tout le reste des membres de son corps. Hein? Mais c'est la même chose avec l'islam. Ensuite, il dit, وَعُمُودُهُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ هُوَ الصَّلَاةِ بِدُونِ عُمُودٍ لَا يَقُومُ الْإِسْلَامِ مثل بيت الشعر أو الخيمة إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم فلا يقوم بيت إلا بعمود فإذا فقد العمود لا يقوم البيت كذلك الصلاة إذا فقدت فإن الإسلام لا يقوم. Donc le cheikh il dit la même chose que يعني la religion, elle ne peut pas rester sans qu'elle soit établie sur la salat. C'est comme le pilier de l'islam. Si une maison, comme une tente, hein, elle n'a pas de pilier pour la tenir, eh bien, elle ne peut pas rester droite. Il faut qu'il y ait un pilier qui la retienne. Eh bien, c'est la même chose pour la religion, pour la salat, c'est un pilier pour la maison de l'islam. C'est ça qui retient l'islam ensemble. Si tu ne l'as pas, alors ton islam ne peut pas rester droit, ne peut pas être établi. ولذلك قال العلماء إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر على الصحيح ولو كان يعترف بوجوبها لأنه لا فائدة من الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق وعدم العمل فلا فائدة من ذلك. ولذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبها أما من كان يجحد وجوبها فهذا كفر بإجماع المسلمين. Les cheikhs ils disent, c'est pour cette raison là les ulama ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse, il devient mécréant selon l'opinion qui est correcte. Pourquoi il dit selon l'opinion qui est correcte? Parce qu'il y a d'autres savants qui disent que c'est pas quelqu'un qui délaisse la prière par paresse, il n'est pas mécréant, mais il est quelqu'un qui est un désobéissant, un pécheur. Donc il y a divergence là-dessus entre les savants, sauf que le cheikh il dit que l'opinion correcte, c'est que celui qui abandonne la prière par paresse, il devient mécréant, même s'il reconnaît son obligation. Et il dit qu'il n'y a pas d'intérêt du fait de reconnaître que quelque chose est que la prière est obligatoire, tout en ne l'appliquant pas, hein, et en ne le faisant pas. Ça sert à rien. Et il dit que c'est pour cette raison que certains parmi les savants qui ont vérifié cette question ont mentionné que la personne qui abandonne la salat volontairement, elle devient mécréante, même si elle croit en son obligation. Mais si quelqu'un nie son obligation, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute, il y a l'unanimité des savants entre eux qui disent que cette personne-là, elle est considérée comme étant mécréante. C'est-à-dire celui qui dit « la prière n'est pas obligatoire, je rejette que ce soit quelque chose d'obligatoire ». Alors celui-là, il est mécréant, parce qu'il a nié quelque chose qui est obligatoire, qui est clair, qui est connu dans la religion, selon le consensus de tous les musulmans. Ensuite, le cheikh dit « وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذِرْوَةُ سَنَامِ الْأَمْرُ هُوَ الدِّينِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَالْجِهَادُ دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ الْإِسْلَامِ إذا وجد الجهاد في سبيل الله فهذا دليل على قوة الإسلام لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة إيمان وقوة مادة. Donc le cheikh il explique que la bosse de l'islam, c'est le djihad. La bosse de la religion, c'est le djihad. Il dit, c'est la bosse de la religion. Pourquoi? Parce que c'est le djihad, fi sabilillah, c'est la preuve de la force. Lorsque les musulmans sont forts, ils font le djihad. Ils luttent dans le sentier d'Allah. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a la force. Et dans le djihad, il y a la force. Et il ne peut pas y avoir de djihad sans force, sans la capacité et sans la force. Donc si on n'a pas la force, on ne peut pas faire le djihad. Comme, qu'est-ce qui se passe maintenant, par exemple, lorsqu'on est faible. Hein? Et le cheikh, il dit que il faut qu'il y ait la force. Et il mentionne les deux sortes de force. La force de la foi et la force matériel. Hein? Donc il faut qu'il y ait les deux forces ensemble. Pas seulement la force de la foi, puis pas seulement la force matérielle. Si tu as la force matérielle, mais tu n'as pas la force de la foi, tu ne vas pas avoir la victoire. Parce que la victoire, elle vient d'Allah. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Et si tu n'as pas la force de la foi, mais tu n'as pas la force matérielle, eh bien, tu ne seras pas capable non plus d'avoir la victoire, parce que quand même, Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi des causes dans cette dunya. Et il faut respecter ces règles qu'Allah a établies dans la dunya quand même. Ensuite, le shaykh, il dit, « فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أشياء للدين الرأس والعمود والسنام فبعد الرأس لا وجود للدين أصلاً فالذي لا يحقق الرأس وهو التوحيد لا دين له والذي لا يصلي لا يقوم له دين وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأنه يحتاج إلى عمود يقيم عليه الدين وهو لا يوجد إلا بالصلاة فإذا فقد الجهاد فقدت القوة في الإسلام وصار إسلاما ضعيفا صار المسلمين مستضعفين فلا قوة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل فهو علامة القوة وفقده علامة الضعف وهذا وجه تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة بالنسبة للدين رأس وعمود وسنام كما أن البعير إذا كان له سنام هذا يدل على أنه قوي وإذا لم يكن له سنام فهو يدل على أنه هزيل ضعيف وكذلك المسلمون اليوم مستضعفون في الأرض ولهذا في الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم فترك الجهاد ذل وضعف للمسلمين ووجوده دليل القوة والسمن كالسنام للحيوان والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك ثلاثة الأصول. Donc le cheikh il termine en disant donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait a représenté cette religion par trois choses: la tête, le pilier et la bosse. Il dit que si tu n'as pas la tête, si tu n'as pas de tête, alors s'il n'y a pas la tête, il n'y a pas la religion. C'est comme s'il n'y avait pas du tout de religion. Même s'il y a le reste. Parce que la tête, c'est celui qui n'a pas réalisé la tête, c'est-à-dire qui n'a pas établi le tawhid, il n'a pas de religion, il n'a pas d'islam. Celui qui ne prie pas, il n'a pas établi sa religion non plus. Même s'il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est le pilier de la religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Malgré que, si on regarde maintenant les musulmans et la umma de façon générale, on voit que la majorité des musulmans, ils n'appliquent pas les cinq prières par jour. Et on voit, en particulier dans ces pays comme les pays ici en Europe ou en Amérique ou en Europe, hein, dans les pays non musulmans, c'est très difficile pour certains musulmans d'établir la salat. Et si eux parfois ils arrivent à l'établir, c'est très difficile pour eux de la faire établir par leurs enfants, surtout s'ils les envoient dans des écoles qui ne sont pas musulmanes, hein, comme au primaire, au secondaire, et au cégep, et à l'université, et ainsi de suite. Et tu le vois, ça, dans les écoles. Et les péchés, les choses. Mais là, on parle, le plus important, hein, si quelqu'un, il fait des... Si quelqu'un, il ne fait pas de péché, par exemple, mais il ne prie pas, yani, si au moins il fait des, s'il fait des, quelques péchés, mais qu'il prie, hein, au moins il a son pilier de sa religion, il est debout. Mais s'il fait des péchés, probablement que tôt ou tard, à un moment donné, sa prière va l'amener à abandonner ces péchés-là. Parce que, comme Allah dit dans le Coran, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. La prière, elle éloigne des turpitudes et du mal. Mais s'il ne fait pas du tout la salat, même si, hein, comme le cheikh, il considère, lui, hein, comme beaucoup d'entre les ulama aussi, que celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. Il considère que c'est une forme de mécréance. Donc, celui qui ne fait pas la salat, pour lui, il est kafir. Tandis que celui qui fait la salat, il fait des péchés ou des choses comme ça. C'est sûr que les péchés, c'est haram, c'est mauvais. Et ça amène les gens à l'égarement. Et même peut-être à la longue, ça peut même les amener au kufr à force de faire trop de péchés. Mais si tu compares la gravité d'abandonner la salat par rapport aux autres péchés que quelqu'un peut faire parmi les kaba'ir, en dehors du shirk, eh bien le fait d'abandonner la salat, c'est pire que de manger du porc. D'abandonner la salat, c'est pire que boire de l'alcool. D'abandonner la salat, c'est pire que faire le viol. C'est pire que faire le zina. C'est pire que tuer. Hein? Mais beaucoup de gens, ils comprennent pas ça. Tu comprends? Comme je dis, c'est comme une punition des fois. Des fois, c'est comme si, parce que quand quelqu'un s'éloigne d'Allah, Allah l'éloigne. Hein? Mais quand quelqu'un fait des efforts pour s'en aller vers Allah, Allah se rapproche de lui et lui facilite les choses. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit, si tu n'as pas la salat, tu n'as pas non plus établi ta religion correctement. Et il dit ensuite le djihad. Il a dit, si on n'a pas établi le djihad, eh bien, ça devient la religion, elle devient faible. Et les musulmans deviennent affaiblis. Et le cheikh, il dit, sans le djihad fi sabilillah, il n'y a pas de force pour l'islam, il n'y a pas de force pour les musulmans. Donc le djihad, c'est un signe de force. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on va crier au djihad dans la rue, puis commencer à faire sortir dans la rue comme certains égarés, des petits groupes d'égarés en France, en Angleterre et dans certains autres pays, qui sortent dans la rue avec des bannières, écrit djihad dessus, puis qui appellent à des trucs de ce genre, ils pensent que c'est ça le djihad. Hein? Est-ce que c'est ça? Non. Parce qu'on connaît les principes et les règles de l'islam, comment les ulama ont expliqué ces principes-là, et quand les musulmans sont dans une position de faiblesse et qu'ils ont pas la capacité, la sagesse, et les règles de l'islam, dans ce cas-là, c'est justement de pas faire de provocations, de pas faire de fitan, et d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala avec la sagesse, avec les arguments, avec les preuves, et leur clarifier l'islam, et d'être patient face aux insultes, d'être patient face à la moquerie, d'être patient face aux insultes, à la moquerie et aux railleries quand ils se moquent, de supporter ça et d'endurer ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Il dit, endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'une belle façon. Deux. Écarte-toi d'eux d'une belle façon. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va s'en occuper de ces gens-là. Toi, continue à faire la da'wah, continue à présenter le message de l'islam, continue à expliquer aux gens l'islam, mais commence pas à essayer de rentrer dans la provocation avec eux, puis de te laisser provoquer par leurs insultes, leurs moqueries ou leurs railleries. hein, puis tu rentres avec eux, tu veux les insulter toi aussi et commencer à crier ou des choses de ce genre. Non. Ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sortent dans la rue avec les bannières, ils crient, ils insultent les koufars. Et tout ça, hein, ça devient une humiliation pour eux. Ils pensent que c'est ça l'expression de la puissance, alors que c'est contraire à la sagesse. Et il n'y a pas de savants de l'islam qui ont accepté et approuvé de ce qu'ils font et de leur méthodologie. Hein? Donc c'est pas de cette façon-là qu'il faut faire. Hein? Il faut retourner donc à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments de faiblesse, quand il était à la Mecque, comment il faisait sa da'wah, et comment il était endurant et patient dans sa da'wah. Ensuite, donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, il a comparé cette religion-là par rapport à trois choses, la tête, le pilier et la bosse. Comme le chameau, lorsqu'il a une bosse, le chameau lorsqu'il a une bosse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fort, ça veut dire qu'il a bien mangé, hein, il est solide, il est gras, donc sa bosse elle monte, il a une plus grosse bosse. Mais quand il est faible, sa bosse elle diminue, elle rapetisse, hein? Et donc c'est ça l'exemple, la comparaison dans le hadith. En arabe, ils font pas la différence. En arabe, les deux, c'est ils ont pas un nom spécifique pour distinguer entre les deux. C'est ça. Oui, c'est pas comme, il y a pas ce nom-là différent. D'après ce que je sais, Allahu a'lam. Après, le cheikh dit wa kadhalika al-muslimuna al-yawm. Il dit c'est exactement comme les musulmans aujourd'hui. Les musulmans, on est faibles sur la terre. Donc, il faut agir avec intelligence, avec sagesse, hein? Et puis il ne faut pas se laisser aller dans les provocations de ces koufars et rentrer avec eux dans leurs provocations et dans leurs insultes et dans leurs moqueries, hein? Comment on est faible? C'est vrai, le frère dit on est très nombreux, c'est vrai, et on a des armées. Donc comment on est faible? Ben, juste pour te donner l'exemple, comment par exemple, si tu veux comparer la force sur le plan par exemple militaire, le nombre c'est vrai, on est nombreux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit ça, il a dit, en tout cas dans le hadith il mentionne, les gens vont tous s'appeler, hein, pour vous, il y en a autour de vous, ils vont tous se rassembler contre vous. Et ils vont s'asseoir autour de, ils vont vous encercler comme des gens lorsqu'ils s'assoient autour d'un plat pour manger. Hein? Alors il a dit, et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que c'est parce que ce jour-là on va être peu nombreux, qu'on va être faible comme ça, qu'on va être peu nombreux? Il dit là, innakum yawma idhin kathir, walakinnakum ghutha. Karusa et Saïl. Il a dit, non, vous allez être nombreux, mais vous allez être comme l'écume sur l'eau. Ça veut dire, vous êtes nombreux, mais vous ne valez rien. Il a dit, que la raison de ça, c'est parce que quand il y a beaucoup de, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-wahn. Et quand les sahabas ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est al-wahn? Il a dit, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Il a dit, c'est parce que vous allez aimer la dunya et vous allez détester la mort. Donc, le fait d'être nombreux, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a la force. Deuxième exemple aussi, c'est sur le plan militaire. Les forces des armées ne sont pas équivalentes et sont même pas à moitié la force de l'ennemi, par exemple. Donc, si cette force que les kuffars ont, par exemple, aujourd'hui, sont capables d'écraser la force d'un pays en quelques heures, alors ça tu ne peux pas dire que c'est la force. Pour que, si tu me dis, par exemple, bon, ok, si tous les musulmans vont s'unir ensemble, puis qu'ils vont tous les pays qui existent sur la terre, qui sont musulmans, vont tous s'unir derrière un seul dirigeant, puis qu'ils vont tous unir leurs forces ensemble pour dire, bon ça y est, on établit la religion d'Allah, on appelle au tawhid, on établit la religion, on combat le shirk et on applique la sharia d'Allah, et après ça on va combattre et éliminer les gens qui appellent à la bid'a et au shirk et à l'égarement, et après ça on est capable maintenant d'établir la religion sur le reste de la terre. Si ça c'est le cas et si ça c'est présent, dans ce cas là c'est possible. Mais regarde la Palestine, depuis combien d'années elle a été prise par les juifs, et malgré qu'ils sont une minorité dans le monde, ces gens là et qu'ils sont très peu nombreux par rapport aux musulmans, jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais été capable de les reprendre. Pourquoi? Parce qu'on est désunis et on est divisé sur le plan de l'aqida, sur le plan du manhaj et sur beaucoup d'autres plans, et qu'à cause de ça Allah ne va pas nous donner le tawfiq, ne va pas nous donner la victoire. La division, elle a des causes. Et les causes de cette division-là, c'est justement qu'on n'est pas sur la même aqida et on n'est pas sur le même manhaj, qui est la aqida du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Donc à cause de ça, on est divisé. Et on ne pourra pas s'unir tant qu'on ne revient pas à cette voie-là. Et donc, on va toujours rester faible. Et on ne pourra jamais avoir une force tant qu'on ne revient pas à notre religion. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith ici. Je ne sais pas, mais c'est les Houssiyin, les Shia Rafida maintenant au Yémen, qui encerclent le village où les frères étudient. Hein, là où Cheikh Mouqbil avait établi son école. Et bien là-bas maintenant, les Shia, les Rafida, Houssiyin du Yémen, ils encerclent cet endroit-là et ils tirent sur les étudiants. Ben, c'est-à-dire qu'au Yémen, depuis des siècles, il y a une population de Shia. Et non, mais il y en avait déjà, mais ils sont des petites minorités seulement. C'est pour ça. Mais maintenant, ils font la fitna maintenant. Donc, ils ont pris les armes et ils tirent sur les étudiants. Les ulama du monde entier, et en particulier les ulama d'Ahl-Sunna et les salafiyin, ils ont appelé à l'aide et au support de nos frères qui sont en train de se faire tuer là-bas. Et comme le frère mentionnait, il y en a d'autres qui sont au Yémen qui prétendent vouloir faire le djihad ou des choses de ce genre et qui n'ont rien fait pour aller les aider. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur le même manhaj, sur la même aqidah. Ils sont sur la voie des gens de bid'ah. Tu vas partir? Ah, ok. Parce que. Ah, ok. Khair, inshallah. Barakallahu fik. Donc, si on n'est pas unis, on ne pourra jamais s'entraider. Et qu'est-ce qui est arrivé souvent, c'est que maintenant, et à cause de notre division, parfois, qu'est-ce qu'ils font les kuffars? Ils utilisent certains d'entre nous pour attaquer d'autres. Et ils ont la facilité de faire ça parce qu'ils savent nos divergences et nos divisions entre nous. Donc, ils nous utilisent les uns contre les autres. Même ici à Montréal et dans d'autres villes, dans d'autres pays, quand ils veulent faire du tort aux musulmans, ils utilisent d'autres musulmans qui ne sont pas sur la bonne voie pour critiquer et attaquer d'autres musulmans. Donc, c'est comme ça. Tu vois? Même à l'époque du prophète, il y avait des munafiqines. Hein? Donc, il ne faut pas s'étonner. Maintenant, il y a des munafiqines et il y a des gens de bid'a en plus. Donc, ces gens-là, ils travaillent contre l'islam. Le cheikh il a cité ce hadith-là, qui est un hadith important aussi, rapporté par Abu Daoud selon Ibn Omar. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous allez faire des transactions économiques en faisant des choses qui comportent du riba dedans, comme al-ina, et que vous allez prendre la queue des vaches, en voulant dire vous occupez uniquement de l'agriculture et des champs et de la récolte et des trucs de ce genre, vous allez abandonner le djihad, Allah va faire tomber sur vous une humiliation qu'il ne va pas retirer jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Donc, c'est-à-dire que tant que les musulmans ne reviennent pas à leur religion, et revenir à la religion, c'est pas juste revenir à la prière. Revenir à la religion, c'est revenir à la religion en entier, de la comprendre comme les salafs l'ont comprise. Hein? De la comprendre comme les salafs l'ont compris, et de la suivre comme les salafs l'ont acceptée. Alors, le cheikh dit, le fait de délaisser le djihad, c'est une preuve de faiblesse. Et la présence du djihad, c'est une preuve de force. Et qu'on est, hein, comme un animal, quand il a une bosse, il est gras. Donc ça, c'est une preuve de force. Et la même chose pour la religion, donc. Donc ça, c'est pour conclure, le cheikh, il dit ça. Donc c'est pour dire que, pour montrer que tu es fort, pour dire que tu veux faire le djihad, c'est pas juste de prononcer le mot djihad. C'est comme l'exemple de qu'est-ce que le frère disait tout à l'heure. Je connais le frère, il y a un frère qui a envoyé ça, Abou Miftah, sur un site internet, il a envoyé cette parole. C'est un peu une blague en fait. Il dit, je connais le karaté, le judo, le kung-fu, le taekwondo et le jujitsu et 10 autres mots qui font peur comme ça et dangereux. En voulant dire, je connais ces mots-là, mais il connaît seulement les noms de ces mots-là. Comme s'il y en a, des fois tu parles, tu dis, attention, je connais le karaté, le taekwondo, l'aïkido, le judo, hein, le jujitsu, mais il sait juste le mot. Mais il connaît pas la discipline elle-même, comment pratiquer ça. Donc le fait de dire djihad, djihad, djihad, ça veut pas dire que tu as établi le djihad. Et le fait d'appeler au djihad, dire il faut que les musulmans fassent le djihad, il faut faire le djihad, ça veut pas dire que tu es capable de le faire. Et ça veut pas dire que tu vas le faire correctement non plus. Hein? Et on sait qu'il y a des choses avant. Donc, alhamdoulilah, les koufars, ils ont peur de l'islam, ils ont peur du djihad de façon générale. Quand ils entendent ce mot-là, ça leur fait peur. Mais la raison pourquoi ils ont peur de ça, c'est parce qu'ils savent que c'est un synonyme de force de l'islam. Hein? Mais pour l'instant, Allah, il nous a éprouvés à cause de nos péchés par une faiblesse qui nous a atteints. Et cette faiblesse-là, elle est en nous. Tu le vois, cette faiblesse, elle se voit. Hein? Et quand j'ai lu une fois, je lisais un livre de quand Napoléon Bonaparte est entré en Égypte, dans les années 1800. Et j'ai lu le récit, comment Napoléon est entré en Égypte. Et c'est comme si, subhanallah, tu lis ça, tu dis, mais comment il a fait pour entrer si facilement en Égypte et apprendre l'Égypte. Hein? Vous imaginez Napoléon Bonaparte qui rentre en Égypte. Le gars, il est tout petit, hein, de taille. Il est pas grand, c'est un kafir. Hein? Il rentre en Égypte avec son armée, ses bateaux, il débarque avec ses canons et tout. Et puis il réussit à mater la force militaire là-bas. Puis il prend le pouvoir en Égypte. Il s'installe. Après, ils ont fait ça dans plein d'autres pays musulmans. Comment ils ont réussi à faire ça? Avant de rentrer, c'est parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient capables. Parce qu'ils ont senti qu'il y avait de la faiblesse. Et une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils ont pris le pouvoir, et qu'ils ont vu comment ça marche, les pays musulmans, ils ont compris la mentalité, ils ont essayé de travailler pour que les musulmans vont rester faibles à long terme. Pas juste pour qu'il reste, qu'il soit ferme à cette époque-là, mais pour qu'il reste faible pour longtemps. Et ils savent que si les musulmans reviennent à l'islam, c'est là qu'ils vont devenir forts. Donc ils font tout pour les éloigner de l'islam le plus possible. Et c'est ça qu'on voit maintenant. Mais le fait qu'il y a des gens qui appellent au Coran, qui appellent à la Sunna, qui appellent à la compréhension des salaf al-salih, ça les dérange. Alors ils essaient de salir, de faire des mauvaises réputations, mauvaises images, mélanger les gens avec les médias et la télé, les journaux et tout. Mais celui qui cherche la vérité, Allah le guide. Hein? En tout cas, c'était juste avant ça, mais c'est pas grave. Donc, Inch'Allah, on va terminer avec qu'est-ce qu'on a mentionné sur les explications des ulama à ce sujet. Et alhamdulillah, comme on dit, on envoie la paix et le salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah rabbil alamin qui nous a permis d'avoir complété cette risala. Et donc aujourd'hui on a complété cette risala. Et donc inshallah, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à appliquer qu'est-ce qu'on a appris. Et yani, à être des bons exemples de l'islam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam.